Donc, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence maintenant le cours 94 dans l'explication du livre Aqidatu Ahl-Sunnati wal-Jama'a, le charh du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, de son livre. On est toujours dans le chapitre au sujet de Al-Qada ou Al-Qadar, le décret, le verdict religieux, hein, le décret et la prédestination. Et on a parlé des maratib, al-maratib al-arba'a, les quatre degrés. Et on va donc, après avoir expliqué les quatre degrés, si vous vous souvenez, c'était al-ilm, al-kitaba, al-mashi'a, al-khalq. Et al-ilm, c'est la connaissance infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance du passé, du présent et de l'avenir, et la connaissance de toutes choses. Et le fait que, deuxièmement, il a écrit toute chose de ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps. Tout ça, c'est écrit dans un livre. Hein? Et troisièmement, la volonté d'Allah. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui sort de ce qu'il a voulu et de sa volonté. Peu importe qu'est-ce qui arrive, que ce soit bien ou mal, ou que ça nous paraisse comme étant bien ou mal, c'est quelque chose que Allah a voulu. Et il n'y a rien qui peut se produire dans sa création, excepté que c'est à l'intérieur de sa volonté. Ma sha'allahu kan, wa ma lam yasha, lam yakun. Ce que Allah veut est, et ce qu'il n'a pas voulu n'est pas. Et le quatrième point, c'est al-khalq, c'est-à-dire le fait que tout ce qui yani existe, c'est Allah qui l'a créé seulement. Il n'y a pas d'autre créateur que Allah. Hein? Et donc, peu importe la chose en question, même les choses que nous, les êtres humains, on a créées, ça fait partie de la création d'Allah. Hein? Les êtres humains, qu'est-ce qu'on a fabriqué? C'est la création d'Allah. Et aussi, le fait qu'on dise, par exemple, quelqu'un il a créé telle ou telle chose hein, parmi les êtres humains. Hein? C'est très important de comprendre qu'il y a la différence entre, justement, la création d'Allah et ce qu'un être humain est capable de créer. Parce que la différence, c'est que les créatures, on fabrique des choses. Et on peut créer des choses, mais c'est toujours à partir de la matière qui existe que Allah a créée. Tandis que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il crée à partir de rien. C'est pas comme les créatures. Hein? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fatabarakallahu ahsanul khaliqin ». Ahsanul Khaliqin, le meilleur des créateurs. Est-ce qu'il y a d'autres créateurs que Allah? Non, il n'y a pas d'autres créateurs que Allah. Mais les êtres humains peuvent créer des choses à partir de ce que Allah a créé et le transformer d'une chose à l'autre. Mais ils ne peuvent pas créer comme Allah à partir de rien. Non. Et aussi, donc, ça c'est juste un point en passant. Après le Cheikh, il dit « Wa mas'alatun hal madhabul asha'ira » في باب القدر مثل مذهب أهل السنة نقول لا بل مذهب الأشاعرة في باب القدر يشبه مذهب الجبرية بل هو في الحقيقة مذهب لا يمكن أن يتصوره الإنسان لأنهم يقولون الله خالق الفعل وفعل العبد كسبه سبحان الله فكيف هذا؟ ولكن هم تناقضوا مثل ما تناقضوا في الكلام وهو أعظم من هذا إذ قالوا إن الله يتكلم ولكن كلامه في نفسه ولم يسمعه جبريل فهو مخلوق فهو كلام لا يفهم وهم يقولونه ولا يفهمونه ولهذا يقال ثلاثة أشياء ليس لها أصل أو ليس لها معنى من جملتها الكسب عند الأشعري ومن جملتها الكسب عند الأشعري. Donc ici le cheikh il mentionne un point et c'est le point suivant. Est-ce que la position de la secte des Asha'ira au sujet de la prédestination, est-ce qu'il est pareil que le madhhab de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a? Et le Cheikh, il dit non. Le madhhab des Asha'ira au sujet du Qadar, il ressemble au madhhab des Jabriya. Et on a expliqué déjà que le madhhab des Jabriya, c'est ce qui renie hein, le fait que l'être humain ait une volonté et une capacité. Ils disent l'être humain n'a ni volonté ni capacité. Il est comme une plume qui se laisse pousser par le vent. Il n'a pas de volonté. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas lui qui le fait, c'est Allah qui le fait. Hein? Et donc ça, c'est le madhhab qu'on appelle le madhhab des Jabriya. Et ça, c'est de l'égarement, il n'y a pas de doute. Et donc ça, c'est la position, en réalité, la position des Ash'ari, c'est cette position-là. Et ils disent que ils ont une interprétation ou une explication à propos du qadar. Quand on essaie de la comprendre en réalité, on n'arrive pas à la comprendre. Pourquoi ? Parce que c'est un principe qu'ils ont inventé qui ne fait aucun sens. Hein? Ils disent Allah est celui qui crée l'action et l'action du serviteur fait partie de ce qu'il a acquis, hein, de son kasb. Mais il ne lui attribue pas l'action réellement. Et souvent, vous allez entendre ça, des paroles comme ça de la part des Asha'ira ou de la part des Maturidiyya aussi. Et je l'ai entendu même de la part de certains parmi les gens de Jamaat Tablir. Ils disent, le feu, ce n'est pas le feu qui brûle ou ce n'est pas le couteau qui coupe. Et si tu crois que le feu brûle, hein, ça c'est du shirk. Ou si tu crois que le couteau coupe, ça c'est du shirk. Parce que c'est Allah qui fait tout. Hein. Et ça, c'est de l'égarement. Parce qu'en réalité, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a créé le feu qui brûle. Il a créé le couteau qui coupe. Hein. Et il n'y a pas le fait d'affirmer que le feu a, par exemple, comme conséquence cette cause de brûler. Il n'y a pas de shirk là-dedans. Puisque c'est Allah qui l'a créé ainsi. Il a créé le feu brûlant. Il a créé le couteau coupant. Hein? S'il est aiguisé, il coupe. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé de cette façon. Hein? Et donc, tu entends toutes sortes d'excuses comme ça. Et parfois, ils vont même mentionner l'exemple de Ibrahim lorsqu'il a été jeté au feu. Et que Allah a dit Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hein? Soit frais et apaisant pour Ibrahim. Ça c'était un miracle. Hein? C'était un miracle. Mais de dire que ça, c'est une preuve que le feu ne brûle pas, c'est totalement faux. Hein? C'est justement le contraire qui est établi par le verset, que c'était un miracle pour Ibrahim, alayhi salam. Ça, c'est pour dire que ces gens-là, en réalité, ils ne comprennent pas la réalité du qadar. Et ils ne comprennent pas non plus la réalité du tawhid. Hein? Ça, on le sait. Et il dit donc, le cheikh, il dit qu'ils ont commis une erreur à propos du qadar, de la même manière qu'ils ont commis également une erreur à propos de la question de la tribu d'Allah, qui est la parole. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a comme attribut al-kalam, la parole. Allah, subhanahu wa ta'ala, il parle. Et parmi ses attributs, il y a hein, le fait qu'il a la parole. Parmi ces exemples de parole, il y a le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Yasma'una kalam Allah. » Hein, ils entendent la parole d'Allah. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Si un d'entre les mushrikines te demande que tu le protèges, alors protège-le jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَا. Puis ensuite, amène-le à son point de sécurité. Donc, c'est pour dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, il parle. Hein? Et il y a plein d'exemples aussi dans la sunna qui mentionne que Allah, subhanahu wa ta'ala, il parle. Il a parlé à Adam, alayhi salam. Il a parlé à Moussa. Hein? وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Il a parlé clairement à Moussa. Hein? Et il va parler également aux serviteurs au jour de la résurrection. Il va s'adresser à eux, hein? Sans traducteur, comme c'est mentionné dans la sunna. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle. Et les Asha'ira, eux, ils disent non. Allah, ils disent oui, on affirme la parole. Sauf qu'ils disent c'est la parole intérieure. Al-kalamun nafsi. parole de l'âme, parole intérieure. Et les ulama, ils ont dit ça, c'est pas une parole. Si c'est une parole intérieure, on n'appelle pas ça la parole, on appelle ça une pensée, hein, pas une parole. Hein. Et donc, ils disent que le Coran, il est créé. C'est pas la parole d'Allah, parce que pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole est une parole intérieure. Et ça, c'est de l'égarement, ça, c'est clair. Et ils disent que la parole d'Allah, c'est donc quelque chose qui est intérieur, qui ne peut pas être entendu et qui ne peut pas être compris non plus, et ainsi de suite. Donc ça, ça fait partie de leurs égarements, de la même manière que la question du qadar. Et ils ont inventé le kasb pour essayer de l'interpréter, mais ça fait partie des choses que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et il y a trois choses que les ulama ont mentionnées comme ça, que les gens, des groupes ou des sectes déviés ont inventé des principes pour essayer d'expliquer des choses qui sont incompréhensibles. Et parmi ces trois choses-là, il y a justement le kasb de Al-Ash'ari. Kasb ou Al-Ash'ari. Et il y a deux autres trucs que j'ai oubliés. Cheikh Mohamed Aman, il les répète souvent. Hein. À chaque fois, je les oublie. Justement, hier, je l'écoutais, puis à chaque fois, je dis, il faut que je les écrive, et à chaque fois, j'oublie. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il dit, le Cheikh? Il dit, « وَهَذِهِ الْمَرَاتِبَ الْأَرْبَعُ شَامِلَةٌ لِمَا يَكُونُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى نَفْسِهِ وَلِمَا يَكُونُ مِنَ الْعِبَادِ فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده والله تعالى قد شاءها وخلقها. Donc il dit, le Cheikh, il dit, ces quatre degrés dont on a parlé, la connaissance, l'écriture, la volonté et la création, eh bien c'est chaque chose, ces quatre choses-là, hein, elles sont de Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, hein, par rapport à ce qui vient des serviteurs, par rapport à ce qui est fait par les serviteurs. Donc tout ce que les serviteurs, c'est-à-dire les créatures et les êtres humains, tout ce qu'ils peuvent faire comme action, comme parole, comme action ou comme abandon d'action, c'est-à-dire turuk, qu'est-ce qu'ils ne font pas ou qu'est-ce qu'ils font, tout ça, c'est connu d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit, il l'a voulu et il l'a créé. Tout ce que les êtres humains font ou disent ou délaissent, ça fait partie de ce que Allah, premièrement, il a su, deuxièmement, il a écrit. Et quand je dis premièrement, deuxièmement, ce n'est pas un ordre, c'est juste que ça, c'est pour énumérer les quatre choses. Hein? C'est-à-dire, toute chose que l'être humain dit ou fait ou délaisse, eh bien, Allah l'a su. Allah l'a écrit, Allah l'a voulu et il l'a créé. Ça rentre dans ces quatre degrés. C'est les quatre degrés. Al-Maratib al-Arba'a. Cheikh Ibn Uthaymin, il dit à ce sujet-là, il dit, وَقَوْلُهُ كُلُّ مَا يَقُومُ بِهِ الْعِبَادُ مِنْ أَقْوَالٍ يعني مثل التسبيح والتكبير والتهليل والقرآن وقراءة القرآن أو أفعال كالصلاة والركوع والسجود والقيام والقعود أو تروك كترك الزنا والخمر والربا وما أشبه ذلك فإذا قال قائل هل الترك فعل قلنا نعم لأن الترك كف النفس عن الفعل فكونه فلكونه كفا صار فعلا إذن هو مخلوق لله عز وجل ففعلك مخلوق وتركك مخلوق. Donc il dit, le Cheikh, il dit, tout ce que tu peux faire, tout ce que le serviteur peut faire comme parole, tout ce qu'il peut dire comme parole. Comme par exemple le tasbih, quand tu dis subhanallah, ou le takbir, quand tu dis Allahu Akbar, ou le tahlil, quand tu dis la ilaha illallah, ou la récitation du Coran, ou bien comme action, comme la salat, le recours, le sujoud, et le qiyam ou le qu'oud, tout ce que tu fais comme geste dans la prière, ou bien ce que tu délaisses, comme le fait de délaisser les péchés, l'adultère, la fornication, l'alcool, le riba, ou toutes ces choses-là. Il dit, par exemple, si quelqu'un dit, oui, mais est-ce que le fait de délaisser ou de ne pas faire quelque chose, est-ce que ça rentre dans les actions aussi? De ne pas faire, est-ce que c'est une action aussi? Et le Cheikh, il dit, oui, on peut dire que de ne pas faire, c'est une action aussi, parce que tu te retiens. Hein? Quand tu ne fais pas quelque chose, c'est parce que tu te retiens de le faire. Et donc, par conséquent, c'est comme si tu faisais quelque chose lorsque tu te retiens de faire quelque chose. Naam. Donc, dans ce sens-là, l'abandon d'une action fait partie des actions aussi. Et ça, c'est quelque chose que Allah a créé. Donc, tes actions sont créées et ce que tu n'as pas fait ou que tu t'es retenu de faire, c'est créé aussi. Il dit ensuite, « وَقَوْلُهُ فَهِيَ مَعْلُومَةٌ لِلَّهِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ وَاللَّهُ تَعَالَى قَدْ شَاءَهَا وَخَلَقَهَا » يعني, « نحن والحمد لله نؤمن بذلك خلافا للذين قالوا إن أفعال العبد يستقل بها العبد مشيئة وخلقا ولا مشيئة لله في أفعال العباد ولا خلق لله في أفعال العباد وهؤلاء هم القدرية الذين هم المعتزلة والغريب أن القدرية أحيانا يكونون إخوانا للجهمية وأحيانا يكونون أعداء لهم ففي باب الصفات هم إخوان لهم فكلهم يقول إن الله معطل عن الصفات ولكنهم في باب القدر أعداء لهم فالجبرية يقولون هذا كله من أفعال الله عز وجل والعبد ليس له فعل وإنما تنسب الأفعال إليه مجازا كما ينسب الإحراق إلى النار فالنار لا تحرق أو لا تحرق بنفسها بمعنى أنها لا تشاء الإحراق وكذلك فعل العبد يجعلونه كإحراق النار تماما بدون إرادة من العبد وهؤلاء الجبرية هم الجهمية وهم على طرفي نقيض مع المعتزلة لأن المعتزلة يقولون الإنسان مستقل بعمله. Donc ici le cheikh il explique que ces actions qu'on fait ou qu'on ne fait pas sont connues d'Allah. Il les a écrites et il les a voulues et il les a créées. Hein, selon les quatre degrés qu'on a mentionnés, ces quatre choses-là, c'est les choses qui ont rapport avec la foi en la prédestination. Pour dire que quelqu'un parmi les musulmans, il a réellement cru au qadar et à la prédestination, il faut qu'il croie en ces quatre éléments-là. Que Allah a su toute chose, qu'il a écrit tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps, qu'il a voulu tout ce qui se produit et qu'il a tout créé. Il n'y a pas d'autre créateur que lui. Si tu n'as pas cru en ces quatre choses, tu n'as pas cru au qadar comme il faut. D'accord? Et donc il dit ici le cheikh que nous on croit en ça, contrairement à des gens qui ont dévié sur ce sujet-là et qui disent non, l'être humain il est indépendant d'Allah. Dans ce qu'il veut et dans ce qu'il crée. Hein? Il fait ce qu'il veut et il crée ce qu'il veut indépendamment d'Allah et que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu les actions des serviteurs. L'être humain, il fait des choses même si c'est comme s'il prétend que c'est même si Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, Allah n'a pas de volonté par rapport aux actions des serviteurs. C'est les serviteurs qui décident et qui font indépendamment de la volonté d'Allah. Donc ça, c'est complètement ridicule aussi, hein? Puisqu'on sait que Allah subhanahu wa ta'ala est tout-puissant et qu'il n'y a rien qui peut se produire dans sa création excepté ce qu'il veut, hein? Parce que c'est son royaume, c'est sa création. Et il dit, et il n'y a personne qui crée excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc eux, les Mu'tazila, les Qadariya, ceux qui nient la prédestination, ils disent « Allah, ce n'est pas lui qui a créé nos actions, on les crée nous-mêmes. » Donc, ils contredisent la croyance des musulmans sur plusieurs plans. Donc, les Qadariya, ceux qui nient la prédestination, eh bien, parmi ceux qu'on considère comme état des Qadariya, il y a la secte des Mu'tazila. La secte des Mu'tazila, ils ne croient pas au Qadar. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qui est étonnant aussi, c'est que les Qadariya parfois, ils sont les frères des Jahmiya sur certains sujets, tandis que dans d'autres sujets, ils sont ennemis des Jahmiya. Hein? Et un exemple de ça, c'est dans les questions qui ont rapport avec les attributs d'Allah. Dans les attributs, ils sont les frères des Jahmiya. Les Mu'tazila sont les frères des Jahmiya. Pourquoi? Parce que tous les deux, ils nient les attributs d'Allah. Refuse de les affirmer. Hein? Mais dans le Qadar, ils sont ennemis. C'est ça qui est bizarre, tu vois. Donc, c'est des sectes qui sont d'accord entre elles sur certains sujets, mais qui sont en désaccord entre eux sur d'autres sujets. Et parmi les sujets sur lesquels ils sont en désaccord, eh bien, il y a le sujet justement de la prédestination. Les Jabriya, eux, sont à l'opposé complète des Qadariya, de ceux qui nient la prédestination, parce que les Jabriya, eux, c'est ceux qui disent que l'être humain n'a pas de volonté. Hein? Il n'a pas de volonté et il n'a pas de capacité indépendante. Et que tout ce qu'il fait, yani, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fait. Et qu'est-ce qu'il fait l'être humain? On ne peut pas l'attribuer à l'être humain. Qu'est-ce que l'être humain fait? On ne peut pas lui attribuer ses actions. On lui attribue ses actions uniquement de façon symbolique. Parce que pour eux, c'est réellement Allah subhanahu wa ta'ala qui est derrière. Comme si l'être humain était en quelque sorte une marionnette et qu'il n'a aucun contrôle réel de qu'est-ce qu'il fait ou de qu'est-ce qu'il dit, comme si en réalité il est comme une plume qui est poussée par le vent, il ne contrôle pas qu'est-ce qui lui arrive. Et il dit, le cher, c'est comme le feu qui brûle, ils disent que ce n'est pas le feu qui brûle par lui-même, dans le sens que le feu lui-même n'a pas de volonté de brûler quelque chose. Hein? Et donc il compare l'être humain à ça. Il dit, l'être humain n'a aucune volonté de faire qu'est-ce qu'il veut de lui-même, c'est Allah qui lui fait faire ces choses-là. Et ça, c'est leur position à ce sujet, comme si l'être humain n'avait pas de volonté, tandis que les Jabriya, eux, les Qadariya, eux, sont à l'opposé de ça. Et ils disent, non, l'être humain, il est indépendant dans ses actions, c'est lui qui décide, et c'est lui qui fait, et c'est lui qui a la volonté. Hein? C'est pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est des choses, parmi les choses étonnantes qu'on constate, parmi les divergences chez les gens de Bid'a et les sectes. Après, le cheikh, il dit, Waliman Shah, il cite les versets dans le Coran qui prouvent la position d'Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet de ces questions-là et qui réfutent les sectes des Qadariya et des Jabriya. Et on va voir l'exemple de ces versets-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple dans les versets 28 et 29 dans Surat At-Takwir et dans, également dans Surat Al-Baqarah et dans Surat As-Saffat. On va les citer. Il dit لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمْ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et ça, c'est le verset, comme on l'a dit, 28 et 29 dans Surat At-Takwir. Dans cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme aux créatures la volonté. Il dit لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمْ. Pour celui d'entre vous qui veut yani, être sur la droiture, se mettre droite, يَسْتَقِيمْ. Donc, il a affirmé que l'être humain, il a une volonté. S'il veut se mettre droite, il peut le faire. Mais il dit ensuite, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah l'a voulu, le Seigneur des mondes. Ça veut dire que l'être humain a une volonté, mais que sa volonté, elle est limitée par la volonté d'Allah qui est au-dessus et absolu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi, il a une volonté. Donc ça, dans ce verset, il y a la réfutation des Jabriya qui disent que l'être humain n'a pas de volonté et la réfutation des Qadariya qui disent Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de volonté et que c'est l'être humain qui a la volonté. Hein? Donc on réfute les deux avec le même verset. On réfute ces deux sectes opposées avec le même verset. L'être humain, oui, il a une volonté, mais sa volonté, elle n'est pas suprême ou absolue. La volonté d'Allah est au-dessus de la volonté de la créature. Hein? Et après, il cite un autre verset, le verset 253 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Hein? Il dit, si Allah aurait voulu, il ne se serait pas entretué. Mais Allah fait ce qu'il veut. Hein? Et le verset suivant qui est mentionné, c'est اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Le verset 96 dans Surat As-Saffat. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, Allah vous a créé et ce que vous faites. Il vous a créé vous et il a créé également ce que vous faites, hein, vos actions et vos œuvres. C'est Allah qui les a créées. Et le cheikh, il explique ces points-là en disant, par rapport à ces versets, « وَقَوْلُهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَشَاءَ الْاسْتِقَامَةَ أَوْ الْإِنْحِرَافَ والعياذ بالله إلا بمشيئة الله عز وجل. لو أراد الإنسان أن يستقيم وأراد الله أن يضله فإنه لا يستطيع إلا بإرادة الله. ولو أراد الإنسان أن يضل وأراد الله أن يستقيم لاستقام ولم يضل. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الآية استدل بها الجبرية، فإنهم قالوا إنها تدل على أن الإنسان لا يشاء إلا أن يشاء الله، وهي في الحقيقة حجة عليهم، لأن الجبرية ينكرون مشيئة العبد، والآية تثبت ذلك. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والذي نقل الله عن هذا القول هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فالآية صريحة في أن الله خلق الإنسان، وصريحة في أن الله تعالى خلق عمله. Donc ici le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dans le verset, يعني لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Pour celui d'entre vous qui souhaite se mettre sur la droiture, mais vous ne pouvez vouloir excepté que si Allah a voulu, le Seigneur des mondes. Donc il n'est pas possible pour quelqu'un de vouloir la droiture ou l'égarement, وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ, excepté si Allah l'a voulu. Et donc, si quelqu'un par exemple veut être sur la droiture et que Allah a voulu l'égarer, alors il ne sera pas capable, excepté par la volonté d'Allah. Et si il a voulu, l'être humain a voulu l'égarement, mais que Allah a voulu pour lui la droiture, eh bien il va être sur la droiture, il ne va pas s'égarer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, parce que pour celui d'entre vous qui veut être sur la droiture, vous ne pouvez vouloir accepter si Allah a voulu le Seigneur des mondes. Naam. Naam. Aussi, il faut savoir une chose, c'est que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est reliée aussi à sa sagesse. Et les ulama, ils mentionnent ça aussi. Et ça veut dire que la guidance, elle a des causes, et l'égarement, elle a des causes. Et que si quelqu'un veut être guidé, il doit faire les causes pour obtenir cette guidance. Et s'il veut s'égarer et qu'il fait les causes de l'égarement, eh bien, il va être égaré. Il faut pas penser que la volonté d'Allah est détachée de sa sagesse. Non, tout ce que Allah fait est relié à sa sagesse. Et quand il veut guider, c'est selon sa sagesse. Et quand il veut égarer, c'est selon sa sagesse aussi. Et c'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait des causes pour la guidance et il y a des causes pour l'égarement. Et parmi les exemples de ça dans le Coran, il y en a plusieurs. Et parmi les exemples de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْ هُدَى. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْ هُدَى. Allah augmente en guidance ceux qui se sont mis sur la guidance. Donc quand quelqu'un cherche la guidance, Allah le guide et l'augmente en guidance. Et il dit aussi, par exemple, à propos du cas contraire, فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Quand ils se sont déviés, ils ont choisi la déviation, Allah les a fait dévier par la suite parce qu'ils ont eux-mêmes dévié du droit chemin, en parlant des Juifs. Donc c'est pour dire que quelqu'un qui veut le bien, il prend le chemin vers le bien et Allah va le guider. Le verset aussi dans Surat Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et ceux qui empruntent nos sentiers, les sentiers du bien, eh bien on va les guider vers nos chemins. Donc ça veut dire que celui qui veut être guidé par Allah, il va croire en lui, il va faire la salat. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est dans surat Taghabun, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. c'est-à-dire celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a cru en Allah, il a fait les causes. Donc Allah, par conséquent, va le guider. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans un autre verset, il dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ. Hein? Donc celui qui donne et qui se préserve, hein, du châtiment d'Allah en faisant les bonnes œuvres, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ, on va le faciliter vers Al-Yusra, c'est-à-dire vers le paradis. Tandis que celui qui est avare et qui se croit suffisant à lui-même et qui dément, hein, ou qui renie la plus belle récompense, eh bien, سَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ, on va lui faciliter Al-Usra, la difficulté, c'est-à-dire on va lui faciliter l'enfer. Donc, il y a des causes pour le bien, il y a des causes pour le mal. Il y a des causes pour la guidance, il y a des causes pour l'égarement. Et tout ça, ça a été clarifié. Et c'est par rapport à la volonté d'Allah, ça c'est clair. Mais en même temps, sa volonté est reliée à sa sagesse. Et sa sagesse est établie de cette manière. Hein? C'est ce qui fait que si quelqu'un veut la guidance, Allah va le guider. Si quelqu'un veut l'égarement, Allah subhanahu wa ta'ala l'égare. Hein? Et il dit ensuite... Le cheikh, il a mentionné donc qu'il y en a parmi les Jabriya qui ont essayé d'utiliser ce verset pour essayer de justifier leur position, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et vous ne pouvez vouloir excepté si Allah a voulu le Seigneur des mondes. » Et ils disent, ce verset-là, c'est la preuve que l'être humain ne peut vouloir que ce que Allah a voulu. Mais le cheikh, il dit qu'en réalité, c'est une réfutation contre eux, et une preuve contre eux, puisque les Jabriya renient que l'être humain a une volonté. Et dans le verset, il y a l'affirmation que la créature a une volonté aussi, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit liman sha'a minkum an yastaqim. Donc liman sha'a minkum an yastaqim, c'est-à-dire pour celui d'entre vous qui veut, hein, être sur la droiture. Ça veut dire qu'il a une volonté, l'être humain. Hein? Et celui qui nie ça, c'est-à-dire il nie le verset. Hein? Et le cheikh, il dit ensuite, en citant le verset dans Surat al-Baqarah, dans lequel 253, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, eh bien, ils ne se seraient pas entretués après que yani les preuves claires leur soient venues. Mais yani, même malgré ça, ils ont divergé entre eux. Alors, parmi eux, il y en a qui ont cru et d'autres qui ont renié la foi. Et si Allah aurait voulu, ils ne se seraient pas entretués, mais Allah fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut selon sa sagesse, encore une fois. Et il dit, le cheikh, que dans ce verset-là, il cite un autre verset. Hein, « Wa law sha'a Allahu ma fa'alu fadharhum wa ma yaftaroun » Ça, c'est le verset 137 dans Surat Al-An'am. On va lire la traduction de ce verset parce qu'il est très intéressant, ce verset-là. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Ça c'est une réalité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, c'est ainsi que leur divinité, c'est-à-dire les idoles que les mouchriquins adorent en dehors d'Allah, ont embelli, ont embelli et enjolivé à beaucoup de mouchriquins le meurtre de leurs enfants, afin de les ruiner et de travestir à leurs yeux leur religion. Donc tu vois qu'il y a des peuples parmi les mouchriquins. Ils vont même jusqu'à sacrifier leurs propres enfants pour leurs idoles, hein, et des choses de ce genre. Et ça, on l'a vu, même on entend parler de ça encore aujourd'hui. Et Yanni, il dit, afin de les ruiner et de travestir à leurs yeux leur religion. Or, si Allah voulait, il ne le ferait pas. Laisse-les donc ainsi que ceux qu'ils inventent. Hein? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il dit donc, هذا والذي نقل الله عنه هذا القول هو إبراهيم. Il parle de l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit يعني le verset dans lequel il dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah vous a créé ainsi que ce que vous faites. Ça c'est la parole de Ibrahim, hein, c'est-à-dire c'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos de la parole de Ibrahim quand il dit ata'buduna ma tanhitun, est-ce que vous adorez ce que vous faites vous-même, ce que vous sculptez vous-même avec vos mains, hein? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, c'est-à-dire alors que c'est Allah qui vous a créé et qui a créé ce que vous faites. Donc, comment vous adorez, hein, la créature d'Allah qui l'a créée à partir de vos mains, hein, et vous les prenez comme des divinités et vous les adorez en dehors d'Allah. C'est ridicule, hein, c'est absurde de faire ça. Donc, le verset est clair ici dans le fait de dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'être humain, et il est explicite dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les actions de l'être humain aussi. Donc ça, ces versets-là sont en fait mentionnés pour établir la preuve au sujet de ces quatre degrés qu'on a mentionnés. Le degré de la connaissance infinie d'Allah, le degré du fait que Allah a tout écrit, et le fait qu'il a la volonté, et le fait que c'est lui qui a tout créé. Et il dit ensuite, وَهَذَا بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّمَا مَصْدَرِيَّةٌ أَيْ خَلَقَكُمْ وَعَمَلَكُمْ وَهِيَ على كونها مصدرية واضحة في أن الله خلق عمل العبد ولكن هناك احتمال أن تكون ما اسما موصولا يعني أي خلقكم وخلق الذي تعملونه أي خلق مفعولكم وقد قيل إذا جاء الاحتمال زال الاستدلال فنقول حتى على القول بأن ما اسم موصول أي خلق الذي تعملون فهي تدل على أن عمل العبد مخلوق لأنه إذا كان مفعوله مخلوقا ففعله من باب أولى في الواقع إذ إن المخلوق ناتج عن مخلوق فيكون هذا دليلا على أن عمل العبد مخلوق من الوجهين. Donc ici, le cheikh, il explique un point par rapport à la question du « ma » qui est mentionné dans le verset « wa ma ta'amaloun » et à savoir, est-ce que c'est un « ma » qui est « masdariya » ou un « ma » qui est « mausoul » et il dit que dans les deux cas, peu importe qu'il soit « masdariya » ou « mausoul », ça ne dérange pas puisque les deux donnent le même sens, c'est-à-dire que c'est Allah qui a créé les actions de l'être humain. Et par conséquent, c'est une réfutation des Qadariya qui nient que les êtres humains, qui nient que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les actions des êtres humains. Hein? Les Qadariya disent que c'est l'être humain qui crée ses propres actions. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ici dans ce verset, qu'il a créé l'être humain et leurs actions. Naam. Ensuite, il dit Mas'alatun man yunkiru al-ilm wal-kitaba hal yu'tabaru munkiran lil-mashi'ati wal-khalq? Naqulu na'am. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah inna ghulat al-qadariyya qadiman kanu yunkiruna al-ilm wal-kitaba wa munkiruhu al-yawm qalilun. وهذا في زمن شيخ الإسلام فهم ينكرون المشيئة والخلق ولكن يقولون إن الله عالم بذلك والحقيقة أنهم إذا قالوا إن الله عالم بذلك فهم مخصومون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولهذا قال الشافعي رحمه الله ناظروهم بالعلم وإن أنكروه فقد كفروا وإن أقروا به خصموا وهذه كلمة حقيقية ومتأخر القدرية يقولون إن الله عالم قال يعني إن الله عالم وكاتب ولكن لا يشأ ولا يخلق فنقول كما قال الشافعي هل تقرون بأن الله عالم قالوا نعم وهل تقرون بأن الله كتب كل شيء قالوا نعم فنقول هل تقرون بأن ذلك بمشيئته؟ قالوا لا. فنقول أنتم الآن خصمتم، فما دمتم أقررتم بأنه عالم بهذه الأشياء وعالم بكل شيء، وشاء كل شيء، فهل وقع ما وقع من العبد على وفق معلوم الله أو على خلاف معلومه؟ فإن قالوا على وفق معلومه قلنا هذا الذي نريده وقد خصمتم، وإن قالوا على خلاف معلومه قلنا كفرتم، لأنه يلزم من هذا أن الأشياء تقع على خلاف معلوم الله فيكون الله تعالى جاهلا، نسأل الله العافية. الخلاصة أن مراتب القدر التي يجب الإيمان بها 4: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وبدأنا بالعلم لأنه هو السابق، لأن الله لم يزل ولا يزال عليما، ثم الكتابة لأنها بعده، ثم بالمشيئة لأنها بعد ذلك أيضا، ولكن المشيئة فيها شيء مقارن وفيها شيء سابق. فالشيء السابق هو أن الله عز وجل بعلمه القديم شاء كل شيء، شاء ما أراد أن يفعله من الأصل، ولكن المشيئة المقارنة هي مرادنا هنا، وتكون المشيئة المقارنة عند الفعل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وبعد المشيئة يكون الخلق. وعلى هذا فيجب أن تذكر المراتب مرتبة. Donc ici le cheikh il explique que si quelqu'un par exemple, parce que en fait la question des maratib, des degrés qu'on a expliqué, al-ilm wal-kitab wal-mashi'a wal-khalq, parmi les qadariyah, parmi les gens de bid'a qui nient la prédestination, il y en a qui ont nié certaines de ces catégories là et par conséquent ils ont dévié au sujet de la prédestination. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, parce que la question que le Cheikh on lui a posée ici, c'est si quelqu'un renie la science infinie d'Allah et le fait qu'il a tout écrit, est-ce qu'on va considérer qu'il a nié en même temps la volonté et la création? Donc s'il affirme les deux premiers degrés, est-ce qu'il a nié les deux derniers aussi? Et là, le Cheikh il dit oui. S'il nie les deux premiers, ça implique qu'il nie les deux derniers aussi. Et il donne l'exemple de la parole de Ibn Taymiyyah à ce sujet-là, justement, et il le cite dans Al-Aqidatul Wasitiyah. On le mentionne dans Al-Aqidatul Wasitiyah. Et il dit que les extrémistes parmi les Qadariyah dans le passé, ils reniaient la science et l'écriture. C'est-à-dire qu'ils disaient, par exemple, Allah ne sait pas qu'est-ce qui arrive, excepté après que la chose se soit produite. Et ça, c'est clair que c'est de l'égarement et c'est du kofr. Et il dit, tandis que ceux qui le nient aujourd'hui sont très peu nombreux. Ceux qui nient ce genre de choses aujourd'hui sont peu nombreux. Et ça, c'est à l'époque de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et il dit donc, il renie aujourd'hui plutôt la volonté et la création. Mais ils disent, Allah a la connaissance. Et ils disent qu'il a écrit. Donc il dit, en réalité, s'ils disent ça, ils sont réfutés. Ils se sont comme réfutés eux-mêmes en réalité. Parce qu'ils affirment, s'ils affirment la science infinie d'Allah, ils doivent affirmer le reste. Et l'imam al-Shafi'i, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, quand vous discutez avec eux, c'est-à-dire ceux qui nient le qadar, discutez avec eux au sujet de la science d'Allah. Et s'ils le renient, alors ils ont renié la foi. S'ils ont renié la science d'Allah, ça veut dire qu'ils ont renié la foi. Mais s'ils affirment et qu'ils acceptent la connaissance d'Allah, alors ils ont été battus. Ils ont été écrasés là-dessus parce que le fait d'affirmer la science, ça implique le reste. Donc ça veut dire qu'ils se contredisent dans ce cas-là. Et il dit en réalité, cette parole, elle est réelle. Et la plupart de ceux qui sont venus après, parmi les qadariyah, ceux qui sont venus plus tard, eh bien, ils affirment la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils affirment aussi que Allah a tout écrit de qu'est-ce qu'il a prédestiné. Mais il refuse de dire que Allah a voulu tout ce qui se produit ou qu'il a créé tout ce qui existe. Alors on va leur dire la même chose que ce que l'imam Shafi'i a dit. Est-ce que vous acceptez que Allah a la connaissance et qu'il connaît toutes choses? Alors s'ils disent oui, alors le cheikh dit, alors s'ils disent oui, on va leur demander, est-ce que vous êtes d'accord que Allah a écrit toutes choses? Et s'ils disent oui encore une fois, alors on va leur dire, et est-ce que vous êtes d'accord qu'il a voulu tout ce qui se produit? S'ils disent non, alors on va leur dire, dans ce cas-là, vous vous êtes contredit. Hein? Vous avez été contredit, ce que vous dites. Hein? S'ils refusent d'affirmer la volonté, on va dire, dans ce cas-là, vous avez été écrasé dans votre opinion, parce que du moment que vous affirmez qu'Allah a su toute chose, hein, et qu'il a su tout ce qui va se produire, et qu'il sait toute chose, alors qu'est-ce qui se produit parmi les choses qui arrivent dans la création, ou qui arrivent de la part du serviteur? Est-ce que quand elles se produisent selon ce que Allah a su, ou en contradiction de ce que Allah a su? Et s'ils disent selon ce que Allah a su, alors dans ce cas-là, c'est ce qu'on veut. Et ça veut dire qu'ils se sont contredits, qu'ils ont été réfutés dans ce cas-là. Mais s'ils disent non, ça se produit contrairement à ce que Allah a su, alors on va dire dans ce cas-là, vous avez renié la foi. Parce que ça implique qu'ils renient la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, en résumé, ça voudrait dire, selon ce qu'ils prétendent, s'ils nient ça, ça voudrait dire qu'ils disent qu'Allah est ignorant. Et celui qui dit qu'Allah est ignorant, il est kafir, il n'est pas croyant. Hein? Et le cheikh, il dit ici ensuite qu'en résumé, les degrés du qadar, c'est obligatoire d'y croire. Et ça implique ces quatre choses. Que Allah a la connaissance de toutes choses. Donc il faut croire en ça. Il connaît le passé, l'avenir, hein, le présent, le passé et l'avenir. Et il connaît toutes choses. Il a tout écrit. Ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps, dans les tables préservées, qu'il a voulu tout ce qui se produit, tout ce qui arrive, c'est selon sa volonté seulement. Il n'y a rien qui sort de ce qu'il a voulu. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, « Ma sha Allahu kan, ou ma lam yasha lam yakun » ce qu'Allah a voulu est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Hein? Et également, il a tout créé. Tout ce qui se produit, c'est lui qui l'a créé. Tout ce qu'on fait, c'est lui qui l'a créé. Donc ça, on l'a expliqué. Et là, le cheikh, il dit... Donc c'est ça. On a commencé avec la science parce que c'est la chose qui précède. Et Allah subhanahu wa ta'ala a toujours su tout éternellement. Et ensuite, il l'a écrit. Hein? Il a écrit. Et ensuite, il l'a voulu. Et... il a tout créé. Donc ça, c'est les degrés de ce qu'il a mentionné par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'on les dit dans cet ordre-là. Il a su, il a écrit tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps. Et comme c'est mentionné dans le hadith, il l'avait écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et comme il dit dans le verset, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. C'est-à-dire, son commandement, c'est uniquement lorsqu'il veut quelque chose de lui dire soit et elle est. Donc il l'ordonne et la chose est, hein, par son ordre. Et il dit wa qad jumi'at fi baytin 'ilmun kitabatun ilmun kitabatu mawlana mashi'atuhu wa khalquhu. Donc, il résume les quatre degrés de la prédestination dans un vers de poésie. Ilmun wa kitabatu maulana wa mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Donc, il y a les quatre mentionnés, la science, l'écriture, la volonté et la création. Il dit walamma dhakara hadha faqad yafhamu al-insanu min dhalika ma fahimathu al-jahmiyya min anna al-insana mujbarun ala amalihi muwafaqatan lil-qadari al-maktub fa naqulu ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. Donc il dit, si quelqu'un pourrait penser par rapport à ce qu'on a mentionné, que l'être humain, ou pourrait comprendre que l'être humain, comme les Jahmiya, est forcé de faire qu'est-ce qu'il fait, qu'il n'a pas de volonté. Et que ça serait en accord avec la prédestination qui a été écrite. Sauf que nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala, nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à l'être humain un choix et une capacité de faire qu'est-ce qu'il fait. Donc il a une volonté, il a un choix et il a une capacité. Et c'est Allah qui lui a donné ça. Donc il n'est pas forcé. Il n'est pas forcé. Puis en même temps, c'est comme les ulama ils disent, l'être humain, il agit selon son libre arbitre, selon son choix que Allah lui a donné. Et en même temps, il est soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sa volonté, elle n'est pas absolue. Elle n'est pas absolue. C'est la volonté d'Allah qui est absolue. Mais l'être humain, il choisit ses actions, il prend ses décisions. Mais à la fin, c'est Allah qui décide. Peut-être quelqu'un, par exemple, il dit, moi, je m'en vais à la mosquée. Et puis, il sort pour aller à la mosquée. Et puis, en chemin, il lui arrive un accident. Et puis, finalement, il n'arrive pas à la mosquée. Ou bien, une fois, il dit, bon, moi, je sors. Il a l'intention d'aller faire un péché. Et quand il arrive dehors, finalement, il change d'idée. Il décide d'aller faire autre chose. Il dit, non, je ne vais pas aller faire le péché. Je vais aller à la mosquée à la place. Donc, des fois, toi, tu décides ou tu veux faire quelque chose. Puis, finalement, c'est quelque chose d'autre qui se passe ou qui se produit. Tout ça, ça rentre dans la volonté, dans la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, وَمَسْأَلَ بِالنِّسْبَةِ لِعَمَلِ الْأَسْبَابِ الَّتِي حَثَّ عَلَيْهَا الشَّرْعُ وَالتَّسْلِيمُ لِلْقَدَرِ وَذَلِكَ فِي مَا إِذَا ذَهَبَ إِلَى حَاجَةٍ يَعْمَلُهَا أَوْ يُحَصِّلُهَا ثُمَّ تَعَصَّرَتْ فَهُوَ طَلَبَ الْأَسْبَابِ أَوْ كطالب يدرس ثم رسبه فهل نقول لا تذاكر لأن الله قدر عليك أن ترسب الجواب لا بل نقول الله قدر عليك الرسوب الحاصل ولكن المستقبل لا تدري ما به ولهذا نحن لا نعلم أبدا أن الله قدر الشيء إلا بعد أن يقع ولكن إذا وقع لا نقول والله نحن استقللنا به نقول نجزم أن الله شاءه من قبل وليظل يحاول في ذلك فالأسباب من القدر ولهذا في مسألة الطاعون أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحل من المدينة إلى الشام وفي الطريق جاءه الخبر بأن الشام قد وقع فيها الطاعون والطاعون وباء معد ومهلك فتوقف وشاور الصحابة وجاء بهم أفرادا بالنوع جاء بهم جميعا وشاورهم واستقر الرأي على أن يرجعوا وأن لا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة فجاء أبو عبيدة عامر بن الجراح الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح والذي قال عمر عند استشهاده لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته خليفة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه أمين هذه الأمة جاء إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين كيف نرجع أفرارا من قدر الله قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ففعل الأسباب من قدر الله وترك العمل من قدر الله وعدم تأثير الأسباب من قدر الله فكل شيء من قدر الله. Donc, il dit le cheikh ici que par rapport aux actions qu'on fait, la religion nous incite à nous soumettre à la prédestination. Et il dit, dans ce qui va par rapport à nos besoins et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a besoin de faire, si on le fait ou si on veut obtenir quelque chose et que la chose devient difficile pour nous, on doit faire les causes et on doit dépenser les moyens et les causes nécessaires pour les obtenir. Il dit, par exemple, si tu veux passer ton examen à l'école, tu dois étudier. Tu dois faire les causes pour réussir. Hein? Mais si tu fais les causes et tu étudies et que tu échoues ton examen, malgré tout, hein? Est-ce que tu vas dire, par exemple, oh, ça ne sert à rien d'étudier ou de réviser parce que Allah, il a prédestiné que tu allais échouer? Le cheikh, il dit non. Tu dis, Allah, c'est lui qui a prédestiné que tu allais échouer. Mais tu connais pas l'avenir. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Nous, on connaît uniquement ce que Allah a prédestiné pour nous après que cette chose-là se soit produite. On ne peut pas connaître ce que Allah a prédestiné pour nous avant que la chose se soit produite. Donc, nous, on doit faire les causes nécessaires pour obtenir ce qu'on veut. Et on met notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour savoir, pour essayer d'obtenir ce qu'on veut. Si on fait tout ce qu'on peut, puis que par la suite, on n'y arrive, on n'arrive pas à notre objectif, yani ça c'est le qadar. On dit ça c'est le qadar d'Allah. Mais si quelqu'un, par exemple, il ne fait pas les causes, hein, eh bien dans ce cas-là, il ne peut pas prétendre ou dire hein, qu'il met sa confiance en Allah. Non, il faut, pour que tu dises que quelqu'un réellement met sa confiance en Allah, il faut qu'il prenne les moyens et qu'il fasse les causes nécessaires. Sinon, ce n'est pas vraiment sincère. La personne n'est pas vraiment sincère dans la façon de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala ici. Et il donne un exemple, le cheikh, il dit que, par exemple, il faut, la preuve qu'il faut prendre les causes, l'exemple de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il se dirigeait vers la Syrie. Et il s'en allait là-bas avec un nombre d'entre les Sahaba, et en chemin, il a appris qu'il y avait la peste, hein, une maladie qui est très contagieuse et qui tue, hein, qui tue beaucoup de gens. Alors, quand il a appris qu'il y avait cette maladie en Syrie, eh bien, il s'est réuni avec les compagnons qui étaient avec lui et il leur a posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on revient? Qu'est-ce qu'on fait? Et chacun a donné leur point de vue. Et lui, finalement, il a pris la position qu'il fallait revenir. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet, qui dit que si vous allez dans une, vous entendez que dans une ville, il y a une maladie comme ça, comme la peste. Alors, si vous êtes à l'extérieur, n'y entrez pas. Et si vous êtes à l'intérieur, n'en sortez pas. Hein? Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Et ça, c'est une des façons pour justement éviter que cette maladie-là se propage. Parce que si les gens qui sont dans cette ville sortent, ils vont l'amener ailleurs. Et si des gens qui sont à l'extérieur rentrent, eh bien, ils vont se mettre en danger. Ils vont se contaminer eux-mêmes. Donc, dans ce cas-là, si vous êtes à l'extérieur, n'y entrez pas. Et si vous êtes à l'intérieur, n'y rentrez pas. Et il a dit même, fuyez de cette maladie comme on fuit d'un lion. Hein? Alors, il a dit, on n'y rentre pas. Et parmi les compagnons qui étaient là, il y avait un qui s'appelle Abu Ubaida, Ibn al-Jarrah, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a appelé Aminu hadhihi l'umma, c'est-à-dire l'homme fiable de cette umma, hein, radiyallahu anhu. Et même Omar, il a dit, radiyallahu anhu, si Abu Ubaida était vivant, je l'aurais fait khalifa, parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit de lui qu'il était l'homme honnête et fiable de cette umma. Et il est venu voir Omar à ce moment-là et il lui a dit, Ya Amir al-Mu'minin, est-ce que tu veux fuir du qadar? Est-ce que tu veux fuir de la prédestination d'Allah en refusant d'entrer, hein, en n'allant pas rentrer en Syrie? Est-ce que tu veux t'enfuir du qadar? C'est-à-dire que si tu rentres, tu vas uniquement être affecté par cette maladie si Allah l'a écrit pour toi. Donc, est-ce que tu veux t'enfuir du qadar en n'entrant pas? Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, oui, je m'enfuis de la prédestination d'Allah vers la prédestination d'Allah. C'est-à-dire, je m'enfuis de ce qu'Allah a prédestiné vers ce qu'il a prédestiné. C'est que dans tous les cas, même si tu ne rentres pas, hein, tu restes toujours dans ce que Allah a prédestiné, de toute façon. Hein. Et c'est comme l'exemple de l'homme qui a dit, par exemple, Ya Omar, parce qu'on l'a attrapé un voleur, on l'a attrapé un voleur, hein, on l'a amené à Omar, c'était le khalifa. Et il a dit, Omar, tu ne veux pas me couper la main parce que j'ai volé par le qadar d'Allah, c'est Allah qui a prédestiné que j'ai volé. Il a dit, nous, on va te couper la main par le qadar d'Allah aussi. Hein? Donc c'est des exemples qui nous montrent que les causes font aussi partie de la prédestination d'Allah que les choses qui ont été causées, ou les résultats, ou les conséquences, tout ce qui existe, tout ce qui arrive. Les faits et les causes sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'une cause, par exemple, n'est pas l'effet, ça fait partie du qadar d'Allah aussi. Donc, toute chose rentre dans ce que Allah a prédestiné. Il n'y a rien qui en sort. Hein? Et il dit, ثم ضرب رضي الله عنه له مثلا فقال رأيت لو كان لك إبل وكان هناك واد له شعبتان شعبة مخصبة طيبة وشعبة مجدبة أترعاه في المخصبة الطيبة أم في المجدبة؟ قال في المخصبة. قال أتراها بقدر الله أو بغير قدر الله؟ قال بقدر الله. قال فنحن الآن نعدل إلى هذه البلاد التي فيها الوباء إلى بلاد سالمة بقدر الله. Donc ici, il mentionne un autre exemple. Il lui a donné un exemple. Omar, radiallahu anhu, il lui a donné un autre exemple. Il a dit, tu vois-tu que si tu avais des chameaux, par exemple, et que tu les as placés dans une vallée, puis que dans une branche, il y a un côté des chameaux qui sont en santé, et l'autre côté, d'autres qui sont malades. Est-ce que tu vas les faire manger du côté où il y a la maladie, ou bien, hein, comme un exemple comme ça. Il dit non, je vais les faire manger du côté où de ceux qui sont en santé. Je ne vais pas le faire manger du côté où il y a la maladie ou quelque chose qui n'est pas bon. Alors il a dit, est-ce que ça, tu ne vois pas que ça fait partie aussi de la prédestination d'Allah? Il a dit oui, je vois que ça fait partie de la prédestination d'Allah. Il a dit, alors nous, dans ce cas-là, on s'écarte d'un pays dans lequel il y a cette maladie. Et on va dans le pays dans lequel il n'y a pas cette maladie-là, par la prédestination d'Allah aussi. Donc tout ça, c'est un exemple de comparaison qu'il lui a donné pour lui faire comprendre que le fait de prendre des précautions et d'éviter le mal, ça fait aussi partie du qadar. Hein? Et que de croire au qadar, ça ne veut pas dire que on doit être imprudent, ou qu'on doit être disons, pas tenir compte des causes et des effets et des choses, hein, qui font partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Par exemple, tu vas dire, ah, moi c'est pas grave, je mets ma confiance en Allah, tant pis. Hein? Puis tu sautes en bas d'un pont, hein? Ou bien en bas d'un immeuble. Je mets ma confiance en Allah, je ne veux pas me faire mal. Mais ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire. Au contraire, hein? Il nous a dit non, de prendre des causes et de prendre des précautions pour éviter justement que du mal nous arrive. Et si on peut éviter ça, donc il faut le faire. Celui qui contredit ça, yani c'est comme s'il contredisait la raison. Et la raison, dans ce sens-là, elle est ordonnée par la religion. La raison, dans ce sens-là, elle est ordonnée par la religion. Hein? La religion, elle ne nous ordonne pas de contredire la raison en quoi que ce soit. Hein? Donc ça, c'est très important, inshallah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.